sac fait wa bouleversé. C'est parce que ouais pas fait travail. Si toutefois demain on vit je nous dis wa wa qui j'en wa baby millionnaire. Si toutefois demain on vit je nous dis wa wa qui j'en wa baby millionnaire. Ma chère, vous faites pour récompenser. Ça te fait ça, moi perdu ta belle. Pour pas faire, pour rendre moins ingratitude. Parce que moi prends patience à faire. Pour pas faire, pour rendre moins ingratitude. Parce que moi prends patience à faire. Ma chère, moi m'en fous de toutes choses. Ou fini, ou voilà de coups de bâton. Ça te fait ça, moi laisse au bouge nous là. Fais tout s'envoler, toujours à jouer de bonheur. Ça te fait ça, moi laisse au bouge nous là. Fais tout s'envoler, toujours à jouer de bonheur. Pas découragé, faut qu'on prenne plaisir. Pas découragé, faut qu'on prenne plaisir. Un jour à Chita, on réfléchit, on va écouter. Un jour à Chita, on réfléchit, on va écouter. Shit.